Dans le cadre de cet enregistrement vidéo, nous allons continuer à nous intéresser à la notion de temps en nous éloignant quelque peu de celle d'histoire. Pour bien comprendre la notion de temps, nous allons aborder ici la façon dont la pensée scientifique a élaboré ce concept. Il ne s'agit évidemment pas d'une étude exhaustive, mais simplement de poser quelques jalons pour comprendre les grands enjeux et les grands moments d'évolution de cette notion. Un des premiers auteurs à avoir tenté de développer une conception scientifique du temps, c'est Aristote. Dans le cadre de sa physique, de son étude de la nature, il définit le temps comme la mesure du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. Pour Aristote, il y a du temps parce qu'il y a du mouvement. Il faut préciser une chose, c'est que pour Aristote, le mouvement ne se résume pas à ce qu'il appelle le mouvement local, c'est-à-dire le déplacement d'un corps dans l'espace d'un point A à un point B. Chez Aristote, le mouvement désigne tout type de changement. Par exemple, la croissance d'un organisme, c'est un certain type de mouvement. C'est pas exactement la même notion de mouvement que celle qu'on a aujourd'hui, c'est une notion plus large. Bon, donc les corps changent, ils se déplacent, et la notion de temps, elle intervient dans la mesure où on peut quantifier ces changements. Autrement dit, on peut décomposer le mouvement en un certain nombre d'unités qui se succèdent les unes aux autres, qui correspondent à chaque étape du mouvement. Et ce sont ces unités que le temps mesure. À ce titre, le temps est infini. D'une part, il est à la fois infini au sens où il est divisible à l'infini. Chaque moment peut être divisé en un nombre d'instants infinis. Et infini par addition, car pour chaque partie du temps, il y aura toujours une autre partie qui pourra s'y ajouter. Cette mesure du mouvement au moyen du temps suppose un observateur. Le mouvement des corps existe bien réellement indépendamment de l'observateur, mais il faut bien un observateur pour quantifier le mouvement et le décomposer en unités. Voilà, on voit que le temps, c'est une notion qui intervient dans une relation entre, il y a le temps d'un côté, mais qui implique un mouvement et un observateur. Alors, dans le cosmos décrit par Aristote, l'idée c'est que le mouvement, enfin l'ensemble des mouvements, voilà, est éternel. Et donc, le temps est lui aussi éternel. Donc, pourquoi? Non, parce que pour Aristote, tout mouvement c'est l'effet d'une cause antérieure, bon, voilà, chaque mouvement particulier, sinon pour lui les corps seraient en repos. Et tous les mouvements, donc tous ces mouvements vont avoir pour cause originaire, cause première, ce qu'il appelle le premier moteur. C'est-à-dire si on remonte de chaque mouvement, chaque cause en effet, chaque effet à chaque cause, si on finit par remonter, on arrivera à un premier moteur. Et ce premier moteur, il est lui-même immobile. Alors, qu'est-ce que c'est que ce premier moteur? Bah, d'une certaine façon, on pourrait identifier ce premier moteur à Dieu. Alors attention, c'est un Dieu qui est très différent du Dieu judéo-chrétien, si vous voulez. Le Dieu d'Aristote. C'est pas un dieu qui a créé le monde. Le monde, il a toujours existé. Le dieu d'Aristote, ce dieu premier moteur, c'est simplement la première cause de tous les mouvements. C'est un être, alors c'est une pure intelligence, si vous voulez, mais c'est un être qui est totalement impersonnel, dépourvu de volonté. C'est seulement, c'est une cause de mouvement. Donc là, c'est une chose qu'on peut noter, c'est que on constate que le dieu d'Aristote, il est assez différent du dieu des religions abrahamiques. Donc, religion abrahamique, c'est judaïsme, christianisme, islam. Mais néanmoins, les théories physiques d'Aristote, elles ont exercé quand même une grande influence sur les penseurs médiévaux, qui eux-mêmes développaient leurs idées en fonction des dogmes, des religions monothéistes. Et donc, une partie des thèses d'Aristote, tout au long du Moyen-Âge, elles ont été intégrées, notamment, par exemple, voilà, au dogme catholique, car elles permettaient de conforter, la conception du monde qui était défendue par l'Église. Par exemple, l'idée que la Terre est au centre de l'univers, l'idée que chaque être existe en vue d'une certaine fin, d'un certain but assigné par Dieu. Alors, bon, cette conception-là, cette théorie-là, elle a été complètement remise en cause à l'époque moderne, au XVIIe siècle, notamment par Galilée. Galilée qui est considéré comme le fondateur de la physique moderne. Alors, pour fonder cette nouvelle physique, Galilée, il a dû réfuter la théorie du mouvement élaborée par Aristote. Donc on a vu, voilà, Aristote lui considérait que le mouvement, bon, distinguait un petit peu, si vous voulez, deux types de mouvements. Un mouvement, c'était soit l'altération, soit la réalisation d'une nature d'une chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pour lui, il y avait des mouvements naturels et des mouvements non naturels, de ce qu'il appelait des mouvements violents. Alors, la tendance naturelle du corps en lui-même, selon Aristote, c'est la tendance au repos. Au repos à partir du moment où le corps occupe son lieu naturel, la place qu'il doit occuper dans le monde. Quelle est sa fin? Il a une fin, donc il a un objectif, il doit occuper un certain lieu. Bon. Et donc, pour Aristote, le déplacement d'un corps, ça s'explique soit parce que ce corps n'occupe pas son lieu naturel et donc il doit le rejoindre, soit parce qu'il a été déplacé par la force de son lieu naturel. Donc, ou bien on a un mouvement contre nature ou un mouvement violent qui déplace le corps, causé par un autre corps, soit on a un mouvement naturel de retour du corps à son lieu naturel. C'est un petit peu bizarre, hein, mais c'est voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il concevait ce mouvement. Mais ça peut nous surprendre aujourd'hui, mais en fait, cette théorie, elle semblait assez conforme à l'expérience qu'on fait tous les jours. Hein. Voilà, par exemple, je prends une pierre, tant que je ne touche pas la pierre, elle reste immobile, elle est au sol. Le sol, c'est d'une certaine manière son lieu naturel. Et ce qui la déplace, c'est parce que je donne un coup de pied dedans, et là, c'est un mouvement violent qui l'arrache à son lieu naturel. Puis finalement, elle va y retomber. Et son mouvement de chute, c'est ça qui la ramène à son lieu naturel. Bon, alors Galilée, il remet complètement en cause cette conception. Et ce qu'il montre, c'est qu'en fait, la tendance naturelle d'un corps dans l'espace, c'est pas le repos, mais c'est l'inertie. L'inertie, c'est quoi? C'est la tendance à conserver son mouvement, la tendance à conserver sa vitesse. En l'absence d'influence extérieure, tout corps perdure dans un mouvement rectiligne uniforme. Ce sont les forces exercées sur lui qui vont le faire changer de trajectoire ou qui vont le faire accélérer. Alors, comment est-ce qu'il comprend ça? Parce que pour Galilée, déjà, l'espace est infini. Il n'y a pas de centre. Alors que chez Aristote, il y avait vraiment un centre. La Terre, c'était le centre de l'univers. Alors pour Galilée, on est dans un espace infini, dépourvu de centre. Bien, dans un espace infini, dépourvu de centre, il n'y a pas d'immobilité absolue. Un corps est au repos seulement dans un certain référentiel, c'est-à-dire il est au repos par rapport à un autre corps qui se déplace dans le même référentiel que lui. Voilà, par exemple, la cargaison d'un bateau est immobile par rapport au bateau, mais elle est bien en mouvement par rapport au port. Voilà, il n'y a pas d'immobilité absolue, il y a une immobilité relative. Le mouvement est redéfini comme variation de distance par rapport à un repère. Et les forces qui s'exercent sur les corps ne provoquent pas le mouvement, mais seulement des variations du mouvement. Voilà, déplacement de trajectoire ou accélération. Et donc pour concevoir le principe d'inertie, redéfinir le mouvement, Galilée a dû faire abstraction un petit peu de cette expérience un peu spontanée. Voilà, moi devant le caillou, je donne un coup de pied. Bon, et non, il faut prendre distance par rapport à cette expérience ordinaire. Ah bon. Pour revenir sur la notion de temps, bon, à la suite de Galilée, Isaac Newton, le physicien anglais, il a élaboré la physique classique, hein, il a fondé la physique classique en systématisant les lois du mouvement des corps dans l'espace. Dans cette physique newtonienne, qui est basée donc sur déjà les démonstrations de Galilée, dans cette physique newtonienne, le temps est conçu comme quelque chose d'absolu. Le temps s'écoule de façon uniforme, indépendamment des phénomènes qui se produisent dans l'espace, et il est identique en tout point de cet espace infini, et pour n'importe quel observateur. Voilà, c'est le même temps pour tout le monde, n'importe où, dans un espace infini. Et dans la perspective newtonienne, il serait possible de synchroniser toutes les horloges. Voilà, une horloge qui se situe ici ou sur une planète très éloignée. Et dans n'importe quel point de l'espace, et surtout à n'importe quelle vitesse se déplaçant cette horloge. Voilà, on pourrait toutes les synchroniser. Donc pour Newton, le temps et l'espace constituent les cadres dans lesquels se produisent les phénomènes, en fonction desquels on va pouvoir étudier les mouvements des corps. Voilà, à chaque instant T, on va pouvoir attribuer une coordonnée spatiale à un objet, et étudier ensuite les positions que cet objet va occuper aux instants précédents et suivants. Et donc voilà, le temps permet de déterminer ces trajectoires, mais le temps est lui-même indépendant de ces mouvements des objets. Et ce sont les lois du mouvement vont permettre de déterminer la trajectoire des corps et les forces que les corps exercent les uns sur les autres. Voilà, on a cette idée, ce qu'il faut retenir surtout, c'est cette idée d'un temps absolu, d'un temps qui est le même dans tous les points de l'espace. Alors, ce qu'on peut noter par ailleurs, c'est que Newton, au-delà d'être un physicien, c'était aussi un chrétien fervent, et il ne considérait pas du tout que ses idées étaient en contradiction avec les dogmes religieux. Hein, au contraire, pour lui, sa théorie, c'était l'exposé de la perfection de l'univers créé par Dieu, et Dieu était conçu un petit peu comme un horloger, un grand horloger qui a réglé les astres, qui les a mis en ordre, et qui leur a imposé des lois. Là, je cite Newton, il dit « La gravité explique les mouvements des planètes, mais elle ne peut pas expliquer qui a mis les planètes en mouvement. C'est Dieu qui régit toutes les choses et qui sait tout ce qui existe ou peut exister. » Ainsi, Newton ne remet pas en question l'âge de la Terre envisagé jusque-là par la religion. Il estime que celle-ci a été créée en 3998 avant Jésus-Christ.